Psaume 92. Psaume de cantique, pour le jour du sabbat. C'est une belle chose que de célébrer l'Éternel, et de psalmodier à ton nom, ô souverain, afin d'annoncer chaque matin ta bonté, et ta fidélité toutes les nuits, sur l'instrument à 10 cordes, et sur la musette, et par un cantique prémédité sur la harpe. Car, ô Éternel, tu m'as réjoui par tes œuvres, je me réjouirai des œuvres de tes mains. Ô Éternel, que tes œuvres sont magnifiques, tes pensées sont merveilleusement profondes. L'homme abruti n'y connaît rien, et le fou n'entend point ceci. Savoir, que les méchants croissent comme l'herbe, et que tous les ouvriers d'iniquité fleurissent, pour être exterminés éternellement. Mais toi, ô Éternel, tu as été élevé à toujours. Car voici, tes ennemis, ô Éternel, car voici, tes ennemis périront, et tous les ouvriers d'iniquité seront dissipés. Mais tu élèveras ma corne comme celle d'une licorne, et mon onction sera d'une huile toute fraîche. Et mon œil verra en ceux qui m'épient, et mes oreilles entendront touchant les malins qui s'élèvent contre moi, ce que je désire. Le juste fleurira comme la palme, il croîtra comme le cèdre au Liban. Étant plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Encore porteront-ils des fruits dans la vieillesse toute blanche, ils seront en vigueur, et demeureront verts. Afin d'annoncer que l'Éternel est droit, c'est mon rocher, et il n'y a point d'injustice en lui.